Bonne soirée. Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, je les entends partout. Skyrock Classics. C'est le rendez-vous incontournable tous les dimanches soirs sur Skyrock pour bien terminer le week-end, pour bien attaquer la semaine également. Le son Skyrock Classics, les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock chaque dimanche entre 18 et 20. Loupez pas la prog de soir jusqu'à la fin. Il faut écouter l'émission. Il y aura du Fat Joe, il y aura du Sean Paul, il y aura du P. Diddy, Bissot Nabissot, 1995. On va retrouver le groupe de Nekfeu. Nekfeu en concert Skyrock, ce sera le 1er décembre à l'Accor Hotel Arena. Et le S-Crew, c'est son groupe à Nekfeu, qui sera en concert au mois de mars des événements Skyrock. Tous les concerts, vous les retrouvez sur skyrock.fm. On attaque l'émission maintenant. Si vous kiffez la prog ce soir, vous voulez réagir sur le net, c'est hashtag Skyrock Classics, KLA2SIKS. The Beats Nuts, c'est ce qu'on écoute tout de suite. The Watch Now. Non. The Beats Nuts. C'est un truc impossible à dire. Priska, qui parle anglais, tu peux dire à la même place? The Beats Nuts. Watch voilà. Out now. Voilà, tu l'as mieux dit que moi. Busta Rhymes, Sean Paul juste après, Make It Clap et Mystère et Suspense, le gros son de la Funky Family sur Skyrock. On y va. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Here we go again. Premier sur le rap. Watch out now. Hey yo, my song's on, I gotta get my grub on some thought. All the three buckets of mama, we getting on though. Off the book, you getting jelly, pulling on hoes off the look, you getting jelly. You won't hate me, cause your wifey wants an autograph. From looking her eyes, I can see she wants more than that. When I see fat asses, I make fat passes like quarterback. Beat nuts, all of that, your shit quarterback. Don't think I'm dead, if you fooling with my cheddar. Hard rock, ever since junior high, swell, I fly fella. Taking my beats to make your crowd get up, I'm fed up. Niggas wanna bring it, whatever, I'ma storm your parade. Blow your legs off with a grenade. Now you flapping like a mermaid. Gapping off with your cough and the lips while I'm at the bar. Bagging the bartender tips. Then I bag this chick with a high in the eye. She did the butterfly. Rubbing her ass against my button fly. I could already imagine my shit stuck inside. Every time I strike, haters be like that fucking guy. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. That's crossing out of an old black Impala. Dumb nigga only fuck with muchacha mala. Big Jew, dímelo coño, how we do? How we do? To my Pollyann niggas who campaign, to the killers who be loving the chicas and champagne, thugs who be wild in the club and snatch chains, players who be pimping the hoes with no brains, front watch a nigga get shot from close range, the most strange, crazy motherfucker won't change, beat nuts forever die hard, you want pain, cause you walking out of here breathing is insane, flip a beat fast, you leave the club with a heat rash, you got a weak stash, came in the club with a free pass, I ain't even know they made a rollie for your cheap ass, making me laugh, you was in jail wearing knee pads, not a beat pass, gotten over your head, it's over your deck, Range Rover both of your legs to both of us set. Platinum getting took this year, cause for real there ain't nothing but crooks in here, nigga. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. That's busting out of an old black Impala. Fuck nigga, only fuck with muchacha mala. Big Jew, dímelo coño, how we do? How we do? Don't call it love, man, they love you. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Beat just come through, man. Watch out now. Back on last. Écoute Skyrock Classics. We make it clap. We make it clap. Yeah, yeah, yeah. Flip mode. Busta Rhyme. Busta Rhyme. Sean Paul. One more time. Kill him with the rhyme. Remix time. Remix. Dirty, yeah. Yo. Flip star. Flip mode squad. Kill him with the rhyme. Come on. Dirty, yeah. Jump up, clap on the one and sit down. Get up again and wiggle out. Make everybody flip out and never carry on. Till you're tired and want to chill out. All of the girls are spread out. Make your body keep clapping on. Flip on the road with all the other set of girls. Let me know the dance. And don't think up with the young. Make the girls jump up and prance. Bust the rhyme and turn up all the lyrical magicians. Therefore make them sweat to jump up, wave up them ass. Flip mode around with all the other set of girls. Let me know the dance. And don't think up with the young. Make the girls jump up and prance. Bust the rhyme and turn up all the lyrical magicians. Therefore make them sweat to jump up, wave up them ass. To push it up there. Back with the remix with Spliff and Sean and Paul in the corner. Can't believe him, we do it, we smack it down how we wanna. Keeping it coming, keeping it going, cause we ain't playing. I'm talking to all my people, cause what I'm saying is, in case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if

bombe, nous dit Marion Oli sur Twitter. I'm not feeling you, Yvette Michel. À l'instant dans Skyrock Classics, on prépare Matt Houston. R&B de rue, il y a aussi le son le plus diffusé l'année 2000 en radio en France. C'est Try Again, le son d'Alia en production de Timbaland. C'est Timbaland qui avait produit le son en 2000. On l'écoute juste après le son de Demon One, un extrait de Démons et Merveilles, l'album de Demon One. Une découverte Skyrock avec Soprano. J'étais comme eux sur Skyrock. Soprano, Demon One, Marseille. Je connais ce regard insolent et insouciant. Ce qu'on caresse était menaçant. Tout se sera passé dans un bloc à fumer. Avec ses portails et les cours pour aller zoner. Je connais ces bagarres, ces histoires de territoire, ces histoires de respect qui se règlent le soir. Cette envie de croquer le monde, tous ces deux jetés quand les flics faisaient leur ronde. Oh, moi aussi tout comme lui, je prenais le mic, rappais toute la nuit. Toute la picaille était mes ennemis, je haussais la voix sur toute ma famille. Oh, je calquais les gestes des grands du quartier, me prenais pour les vrais, pas ceux qui décartaient. Malgré tout ce qu'on dit, regarde un peu comment on a fini. Oh, tous ces jeunes envoient des bloqués sans espoir. Ceux qui gaspillent leur jeunesse dans espoir. Ceux qui avancent sans repère tard le soir. Cette jeunesse n'a pas appris le mot victoire. Sans fin devant le hall, les soirées sur un parking, où ça fout, où ça pétole. Le week-end, j'allais chercher ma petite pochette sur Astadam. Je restais chez Blue pour la console toute la journée dans un local. J'ai fait les soirées, j'avais de boire dessus, c'est de prier, de noyer. Top pizza dans une piscine de billets, je me prenais quand j'étais sous tweet pour Superman. Alors que dans ma tête et dans mon cœur, j'allais super mal. Plein de rêves dans la tête et pas un sou dans la poche. J'étais comme eux, rien à perdre dans la merde sous un Porsche. Moi aussi, je voulais devenir mon pote le boss de la ville, rouler en Porsche. D'un écrit de vivre, toi d'argent facile. Je me posais plein de questions sur ma vie et sur ce monde. Je rêvais de faire des films, d'entendre ma voix sur les ondes. Comme lui, je rentrais tard, je rappelle tous les repas du soir. Toujours fourré dans les histoires, dans les sales coups, dans les bagarres. Tous ces jeunes envoient des blocs sans espoir. Ceux qui gaspillent leur jeunesse dans espoir. Ceux qui avancent sans repère tard le soir. Cette jeunesse n'a pas appris le mot victoire. Elle m'a mis dans une branche que je voulais pas faire. Quand j'allais au cinéma, un match, j'entrais pas derrière. Dans la cité ou arrière, africaine la bannière. Mais j'ai aussi appris à traverser nuit blanche. Que la vie n'avait pas de traîneau ni de barbe blanche. Oh. Moi aussi, elle m'a appris qu'il faut se montrer fort et patient. Utilise tes connaissances et ton savoir à bon escient. Tous ces jeunes envoient des blocs sans espoir. Ceux qui gaspillent leur jeunesse dans espoir. Ceux qui avancent à refaire tard le soir. Cette jeunesse n'a pas appris le mot victoire. Classics, classics, classics. 18h-20h. It's been a long time. Long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step, step two, step two. Think it, think it. It's been a long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step, step two. Think it, think it, think it, baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up? Try again, if I hesitate to let you in. Know it to be yourself, or play a role. Tell all the boys, or keep it low. If I say no, would you turn away, or play me off, or easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh. What about the next day? Said you don't wanna throw it all away. You're bugging on the first day. What about the next day? Ghetto, mommy, R&B de retour, c'est ça. Y'a pas de papi, crie juste. Oh, oh, oh, oh, oh. J'suis aussi pop que toi, Renoir. Je squatte mon Redman et mon Rough Rider. Mais allongé avec ma couche, préfère sur un disque de Joe, tu le sais. On est dans le même camp, toi et moi, négro. Alors, MC, remballe ton ego. J'me fous des on-dit players. OG, c'est le même survie. Oh oh. Don't get up, get up. Tout le monde dit que le R&B n'est pas du hip-hop. Oh oh. Qu'on kiffe parler de sexe pour faire mouiller leur meuf idiot. Don't get up, get up. Les MC testent les New Jack Illico. Oh. C'est le même Jess Papi. Alors, tu dis quoi de ça? Yeah. Skyrock Classics tous les dimanches 18h-20h avec les meilleurs sons de Skyrock, rap et R&B et R&B de rue même qu'on écoutait à l'instant, Matt Houston, un son qu'il avait présenté dans Planet Rap. D'ailleurs tiens, la semaine prochaine dans Planet Rap, c'est Caris qui débarque avec Okunia Coris, c'est son nouvel album qui sort le 11 novembre. Soyez là demain pour le coup d'envoi, ce sera avec Fred et Caris en direct sur Skyrock. C'est le retour du rappeur de Sevran en premier chez nous bien entendu, puisqu'on est premier sur le rap ici sur Skyrock et premier sur les classiques entre 18 et 20 chaque dimanche. Suga Suga, Baby Bash, c'est ce qu'on écoute tout de suite, et Will Smith, Wild Wild West, juste après. Et soyez bien à l'écoute de Skyrock tout au long de la journée, on vous offre ça et c'est uniquement chez nous que vous voulez gagner vos places pour Drake. T'écoutes Skyrock Classics 18h-20h sur Skyrock avec le Saiyan Supakru, c'est Angela sur Skyrock. Dis-moi où est tu que on me capte cadence les ouga allongé on est moi jusqu'à demain moi voulais sentir pour à satin c'est à nous que là demain matin ouais tu dis quand je mets le turbo j'adore quand tu me dis Liron et c'est toi le plus beau et des suites je préfère celui qui me fait ramper au rideau à n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres donc on t'aime trop on sait tous avec moi on passe à des moments. Chaud. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas, compose mon numéro. Et toi-même, tu sais que le voile, tout seul, ça fait chaud. Angela, moi qui femme tu as, quand on papa au palais. Angela, Angela, moi qui femme tu as, quand on papa au palais. Angela, trop chichi, trop pain. Angela meurt, à bord du hound hound. Contraint, je suis une contrainte. C'est par contrat moral qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes. Vie solo, homme de zouk, homme de soukous. Malhonnête coussi. Oui, si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est coussi, tout ça la grossit. Mais je mettrai un coup à ça.

Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Always there when you always on time. Gave you my baby. It's late night lover, you know, the one that say kids like no other. I know I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain. So stop the complaints and drop the order of restraint. Sex life's a game, so back me down in the paint. 'Cause I can't wait no more. This is about a quarter past three, and sure days I mean, I got the Bentley Ballet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades. And I love to see that some boots and shades spread out on the bed while I'm yanking your braids. Thug style, you never thought I'd make you smile while I'm smacking your ass and hitting you all wild. We share something so rare, but who cares? You can, baby. I'm not always there when you call, but I'm always on time. Come on, pull it together. It's only a sun shower. We've been through worse weather, like stormy night. You wrote a dear child letter and took my Benz and keyed and cut the leather. Girl, you know better. You live MOB. Money over Brody's murder, INC. I got two or three broads for every V, and I keep you drugged up off that ecstasy. I'm a playground legend like Kirkland Pee Wee. I'm a baller in the league, got more game than me. I play harder, so many women I bothered. Meet them with scars and send them home hot and bothered. Truth to dare, this life ain't apparently fair, and a love with no glare is a crystal stare. But we share something so rare, but who cares? You can, baby. Bombers boot in the coldest weather, and when I play, you play the same way. You freak me, baby. I f- you crazy, then I'm gone. And baby, don't really want me to get up and leave off that easy. Should be waking up wet for she's a. Remind these women to mind independence. Believe me, this pimp game is very religious, and I'm built like a John Bishop. Gold deep fish, money green pins, and my world is my witness. The life we share is a thug affair, but who cares? You care, baby. I'm not always there. But I'm always on time. And I gave you my all. Now baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time. And I gave you my all. Now baby, be mine. Always there when you call, always on time. Gave you my all. Jaroulé HNT dans Skyrock Classics, 18h-20h chaque dimanche, les classiques de Skyrock, les meilleurs sons rap R&B qui ont fait l'histoire, le succès de votre radio préférée, Jaroulé HNT, Always on Time, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Il y a Chico qui est sur la route et je me refais les classiques avec Skyrock FM, le temps passe plus vite sur la route. Et ouais, tu as bien raison, c'est la meilleure émission pour bien terminer le dimanche. Skyrock Classics avec A Tribe Called Quest, Stressed Out, ça arrive tout de suite. Je te prends en fil à Aulnay sous bois avec Sefiu. Mon public, en version Skyrock en plus. Mon public est une Kaira. Si la famille, mon public roule en Porsche. Non, non la famille, mon public télécharge. Non la famille. Et attention, demain matin, le morning de Difool sera de retour avec la tout nouvelle PS4 Pro. Mais pas que, il y a aussi José à gagner des chèques de 1 500 € si vous répondez Skyrock. Écoute. Skyrock Classics, les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. To the beat. We're gonna make it, that's for sure. If you're stressed, then let it go. type, run like flames. Well, why is that? American dreams, they got this ghetto kid in the fame. Don't stress that, cause it's not in your bloodstream. Your whole being comes from greatness, do remember. Shaitan got you caught in the storms of December. And brothers on the block packing nines like September. Crazy situation, get these pockets all slender. Yo, I be on the avenue where they be acting brand new. I'm closing on these B-Box joints for shorty rule. All of a sudden, I saw these two kids fronting, talking out their joints, but they wasn't saying nothing. My hand was on my toolie, they was acting unruly. Say word. Yo, word up, yo, I was tight, caught up. But I swallowed my pride to let that nonsense ride. Because a positive, it seems that negative died. Yo, we was at the dice game, making these cats look silly. Flamming, steady running off at my willy. I had my cash mix, my rent loop with my Play-Doh. I gotta see some loot, so all my girls I blow. Shook those shits in my palm, let them hit the flow. Kept my eyeballs scoping for them pigs, popo. I got to go on the app, see my parole by four. But I gotta steady freak these boys like JoJo. And I was doing it till I met Ice Spike and Mike. One roll, they had my pockets thirstier than Sprite. Yo, I know the feeling when you feeling like you're feeling. You be having good thoughts, but the evils be revealing. And the stresses of life can take you off the right path. Jealousy and envy tends to infiltrate your staff. We gotta hold it there so we can move on past all adversities, so we can get through fast. Like that. Your baby's on the way, and you don't know who. And crosstown killer tryna bust at you. And yo, they got me stressed out, and you don't know what to do. Dun the lie, dun the low, dun the lie, dun the lee. Man, I look for trouble, but trouble didn't follow me. All I wanted to be was an illa MC. Ever since me did small as a youth out in Queens. What did you march up the downtown? How you mean? Until my best friend caught you in I'm head. Right, in. And ever since that day, you not hear me? Things been a mess. R.I.P. goes to rock. True thing, God bless. So nowadays I go see wifey just to cure me from stress. Lay my head on her breast, sugar dumpling those best. Explaining all my problems to her, getting things off my chest. A little hugging up, squeeze up, and no more on my vest. Hey yo son, without my peeps I'd be truly asked out. Make sure I have my medication so I wouldn't pass out. Native tongues for believing in me when everyone was blessing. Most of all, Jah Almighty for the guidance and the blessings. I really know how it feels to be stressed out, stressed out. When you're face to face with your adversity. Classics, classics, Kayla de Jessica S. Skyrock la famille, Skyrock la famille, Skyrock la famille, c'est Skyrock la famille, Skyrock la famille, Skyrock la famille. Skyrock la famille, top la famille. Mon public est une caïra. Si la famille, mon public roule en Porsche. Non, non la famille, mon public télécharge. C'est rien la famille, mon public pas commercial. Merlige la famille, mon public est une caïra. Si la famille, mon public est dangereux. Non, non la famille, mon public adore le foot. C'est pas la famille, mon public pète la forme. Oh, top la famille, des fraisons à domicile, volontaire et l'homicide. Si sous la pression signée, ça lève le missile. Oh. On dit que mon public

Brandy, Monica dans Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches, c'est les meilleurs sons de Skyrock à retrouver. The Boy Is Mine, il y a un 995 avec Nekfeu à l'intérieur, à retrouver tout de suite, c'est la suite. Un gros son hip-hop français, rap parisien, c'est maintenant qu'on l'écoute. Et Nekfeu, je vous rappelle qu'il est en concert Skyrock, c'est le 1er décembre, du côté de l'Accor Hotel Arena, c'est le nouveau Bercy à Paris. Et il sera aussi en concert avec son autre groupe, puisque là on va écouter un 995, c'est le premier groupe de Nekfeu. Et le deuxième, c'est le S-Crew à Lille, à Nantes, à Marseille et à Lyon. Ce sera à partir du 20 mars, à pas manquer. Nekfeu, un 995. La totale à écouter maintenant, c'est la suite. Et puis Didi Dirty Money juste après. Hello, good morning, c'est Skyrock Classics jusqu'à 20h. Oh, un 995, mon gang venu pour mailler sans faire le tap à ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le mal, je me demande d'où ils sortent, se faisant passer pour mes doyens. Mais ils n'ont pas défendre avec le rap et le respect des anges. Crois-moi, aussi vrai qu'il faut un précis. Je me tiens à l'écart du vice et reste droit. Cheval de Troie, fixé sur l'industrie du disque. À quoi on reste les mêmes entiers par la rime. Un beat de l'eau, tu kiffes les flots des flots, c'est par ma team. Avis à ceux qui nous prenaient pour des filtres. On revient bousiller le jeu, bien préparé. Pour le titre. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filmées, mon équipe passe à la biche. On s'écarte pas des passes, le mandat à clique. On prendra pas la source sans être fataliste. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filmées, mon équipe passe à la biche. On s'écarte pas des passes, le mandat à clique. On prendra pas la source sans être fataliste. J'aime bien ça. Je trouve ça entraînant. Avec ma plume dès que la fumette, j'écris la suite. Des textes, petit les têtes, c'est qui mec, c'est qui la suite. Un dangereux dingue dessus, pas tour de passe-passe, taf pour le HH quand je flingue dessus. Avec ce qu'on appelle des classiques dans la pochette. J'ai ce qu'on de la belle et de la zig dans la peau. Check 1 de 1 des, ça c'est que le début. Ma vérité est assez seule, mais casse les gueules des buts. Chance un lambeau de pensée, tantôt sans étant, tout tenter de chanter quand faut danser en haut. Il s'en prend le dégros, c'est dans de l'embauche. Il faut semblant croire au 11 septembre. J'ai lancé. Nique le effet, nous c'est la France, souffrance. C'est en s'étant, le slogan, c'est temps. Attends, on en sait quelque chose des grands élans. Des ans, des temps, des trains, des de la testostérone. Et quand j'pense à la suite, j'ai mon enfance à l'appui. Une goutte de pluie pollue Paris, le bruit immense à la quille. Et quand tu penses à la suite, tu veux ton nom à l'affiche. Dis-toi que changer ton histoire triste en une romance, ça va vite. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filent et mon équipe passe à la biche. On s'écarte pas des bases, le mandat à clic. On prendra pas la source sans être fataliste. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filmées, mon équipe reste à la biche. On s'éteint pas les bases, le mandat à clic. On prendra pas la source sans être fataliste. J'suis même pas 1% pour tout vous dire, j'suis pas au top. Mais j'rappe plus que le meilleur MC de ta bande de potes. J'suis dans la suite, dans la chambre de bonne. La concurrence va finir dans la bande de clock. On évite le mauvais œil, on les emmerde. Souvent on les enchaîne de manchettes comme des volleyeurs. On prend le rap à la suite, sniff dans des choses. Des rimes sans plus flow qui t'envoient à l'asile. De la cité de la suite dans les idées claires. Sans les hymnes, sans les hymnes, et quand j'lésine des vers. Trouvé tard, soupé tard, après méditation. L'après-minu, j'grappe des mini-rap, préméditation, mon crew. Avec vous, pratiquement frère, appliquant, pratiquant le vrai, donc roulez avec nous. Où allez-vous prendre la suite jusqu'à la fin? Vous allez vous prendre la suite jusqu'à la fin. Fini blague et on passe à la suite. Les années filent et mon équipe reste à la biche. On s'écarte pas des bases, le mandat à clic. On prendra pas la source sans être fataliste. Fini blague et on passe à la suite. Les années filent et mon équipe reste à la biche. On s'écarte pas des bases, le mandat à clic. On prendra pas la source sans être fataliste. Fini blague et on passe à la suite. Les années filmées, mon équipe passe à la biche. On s'écarte pas des bases, le mandat à clic. On prendra pas la source sans être fataliste. Sont l'ADN de Skyrock. 18h-20h, dimanche soir, Skyrock Classics avec Maxime. Hello, good morning, let's go, let's go. Hello, good morning, hello, good morning. Know you've been waiting, too for it. Cause I see you watching. So let's go. Let's get it poppin'. Cause I be leanin' on the board, that's a cleaner than the sun. These balls won't keep me mum proud. 25 on the bank, I've been sunning on the ends. And you mad cause the bitch won't stop. Got your boyfriend feelin' like a groupie. You know, we know, we don't stand like this, lookin' like a movie. I'm the captain of the cool kids. The revolution's never been televised. Great booty, better thighs, I ain't wanna tell her bye. First I tell her hi, then I give her one and let her fly. Never tell a lie, tonight you couldn't find a better guy. King shit, fly to anyone you been seen with. Gangsta distinguished, cool as a penguin. Got a team of a money, feel free to bring with. G5 waiting, fly away at my convenience. You sing tip, checking in a 5-star suite with some 5-star freaks getting high all week. Catch me in the wee hours of the night when y'all sleep. In a fast car, super bad broads backseat. That's me, see you nothing nice. Fuck a couple nights till the moon say goodbye and the sun greeting us like hello. Good morning. Let's go, let's go. Hello. Good morning. Hello. Good evening. You glow. You beaming. Cause you know that you really need it. And I'm the one that you wanna be with. But right now, baby, you're dreaming. Wake up and turn the lights on. Cause I'm hanging on the bar, that's a cleaner than the sun. These balls won't give me my pride. 25 on the bank, I've been stunning on the ass. And it mad cause the bitch won't stop. Got your boyfriend feeling like a groupie. You know, we on that. Stay like this, looking like a movie. You know, we on that. And everybody know who the truth is. You know, we on that. I know cause I'm going on that movie. You know, we on that. Let's go. Good morning. Let's go. Hello. Let's go. Good morning. Let's go. Hello. Hey, y'all. Hey, turn me up a little bit more. I don't think they can hear me. Check this out. Bad boy, bitch. Let's work. Come on. Let's work. Don't stop. Let's work. Let's work. It's that dirty money. Fly as he, your baby mama cry for me like Jodeci. Let's go. So how you not notice me? Pull up to the club in the coldest V. Literally cold. Little did he know how that nigga did he flow. How that nigga did he go so hard like a crowbar, still getting dough. Whoa. Yeah, I like this. Come on. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Nothing can save you. It's that dirty money. Got your boyfriend feeling like a groupie. You know, we on that. Stay like this, looking like a movie. You know, we on that. And everybody know who the truth is. You know, we on that. I know cause I'm going on that movie. You know, we on that. Hello. Good morning. Let's go, let's go. Hello. Good morning. Hello. Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Superstar au pays, oui fou, nourri au foufou, à la fête, le bison envahit fou. T'en fous du son à fond qu'on brûle le bal. Double S, passive, Benji, mystique, arsenic et le bal. Afro trip, rap, sauce, combo. Frappe des mains sur le bongo, tape de Paris jusqu'à Bakongo. Des trucs gros, ça nova, soukous à la rescousse. Le groupe qui à l'époque foutait le tawa. Je me rappelle des jumeaux y'a une vingtaine d'années, avec leurs locks dressés. Et pareillement, ça fait c'était ma passe à en place, tu aimes à toi. Pour le bis, son avis, sur du rap 100% afro. Toujours pareil, prêt pour un show pro synchro. Jekyll, DOC, danser le lombolo. L'histoire de ses frères, les deux balles, nickel. Ça marquait des générations entières pour la famille du Le Calbo, l'ambition c'était le grand Wandou. Lacoste et Reo, le dérangez pas surtout. 100% Congo, Weston, Croco. Fais les coucounes comme Rocco, il laisse croquer l'ego. Plein de tics dans les cocovoli bengele. Arsenic, Nasik, Kabamindele. Je me souviens de son show, il était N'Golo. Très souvent il chassait pour le N'Golo N'Golo. Vas-y, mais vraiment, à mon souvenir, toi aussi tu faisais partie de ce groupe là. La musique là était vraiment bonne. Dommage que tu ne sois plus la même. Donc tu insinues que je ne suis plus belle, c'est ça? À l'époque, on s'est connus sur ce fameux zouk. Viens, on va danser maintenant. Allons-y, ma chérie. Biso, et de son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bison Abisso. Parce qu'ils étaient ceux qui pouvaient choper des meufs en eau. Chacun de ses parties était synonyme de cadeau. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquait même les mots à mauvais. Quel mot qu'on aimerait maudire. Et dire aux parents que Bison c'était pas du tout. Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S et le poisson c'était chaud. Balancez votre code, tous les décos, qu'est-ce à la vue de la bombe, on se saut. Dans le village, ils traînaient contre ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Oh, pensez haut. Ça n'existerait pas sans Mister Mystique. Faire de lance tacticien pique sur le mythique. Avec l'accent, l'accent dral. L'animal fétiche, grand compagnon du sorcier. Le petit mais costaud, la ferme jamais. Toujours une histoire, une fable, la fine raide à l'hosto, je te jure. Un vrai bandit. Venez Loubaï, au pays dans ses loquetto. Comme Clotaire, il aimait les Bakento. Dans son secteur, c'était le pasteur, sa case est marrant. Pour lui, écoute le goût de l'errant. Regarde-le, 1m90, bien rasé, mal propre. Toutes les à sacré lélé. Il aimait être à la inné, brailler sa moustache affinée. Ah, vraiment me passer. Ah, vraiment, j'aimerais danser Bissot encore beaucoup. Mais juste dans la tombe, on va danser ce Bissot, non? Ah, Bissot. Skyrock premier sur le rap, premier sur les classiques, chaque dimanche 18h-20h, Skyrock Classics avec Bison Abisso à l'instant. Arsenic, c'était Bison Abisso justement, le titre et le collectif de rappeurs qui ont fait ce son à l'instant sur Skyrock. On prépare une très très grosse soirée. On va découvrir si The Weeknd et Daft Punk conservent la première place du US pour Starboy. Le US, c'est les 10 titres rap R&B les plus vendus, les plus téléchargés aux États-Unis. Ça démarre dans 10 minutes maintenant. C'est entre 20h et 21h tous les dimanches. À partir de 21h, ce sera la spéciale d'Audi Fool, les meilleurs moments du morning, de la radio libre plutôt. Le morning, ce sera demain matin, 6h-9h. Donc, les meilleurs moments de la radio libre tout à l'heure avec Vincent qui vous mixe tout ça. C'est 21h minuit et à minuit tout à l'heure 2h de son hip-hop et orientaux mixé par DJ Kez avec Fred. L'émission s'appelle Rail Suprême. Juste avant, allume ton putain de micro. What the fuck am I gone? Voilà, comme ça. Love. What's love? Got to do. Fat Joe, Jarou, la Shanti. Eric Berakim juste après, Paid in Full. Pour clôturer ce Skyrock Classics, on est dimanche, le 6 novembre. Et tout va bien, passez une bonne fin de week-end avec Skyrock. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Booba, Pitbull, Fat Joe, Jarou, Lashanti juste après, c'est What's Love et Paid in Full, le son d'Eric B avec Rakim. Avant de retrouver le 8US, les 10 meilleures ventes aux États-Unis, ce sera entre 20h et 21h. Excalibur de son oncle, mon 6-45, j'suis le pitch, j'm'en avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, j'suis qu'au BN, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière, sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein. M'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. M'a dit, tu as la rage, dégage, ou je te pique. Femelle en chaleur, elle se part dans les pages, je te nique. J'ai grandi, suis mort en silence. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Dans ce Capharnaüm, derniers seront les vainqueurs. Mes rimes te touchent au cœur en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant. Du sang royal dans les veines, premier en sport et en chant. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne.

Dimanche 18h-20h, c'est Skyrock, premier sur le rap et premier sur les classiques avec Fat Joe, Ja Rule et HNT, What's Love. J'avais promis Eric B. Rakim, mais les États-Unis ne peuvent pas attendre, n'est-ce pas Stéphane? Et ouais, la nouvelle révélation du 8US, bah, la semaine prochaine pour le classique de Eric B. On le passera, c'est promis. Allez, on le met de côté et puis on le passe dimanche prochain. Ce sera entre 18h et 20h pour le retour de Skyrock Classics. Eh ouais, le rencard à pas louper tous les dimanches de 18h à 20h. Mais nous, on y va pour le 8US comme tous les dimanches soirs. On se fait les 10 cartons rap et R&B aux États-Unis avant de retrouver la spéciale de la rad vip de Difool. Est-ce que The Weeknd et Daft Punk gardent la première place? Je ne peux pas te dire, Maxime. Eh bah, je vais écouter l'émission alors. Exactement, écoute, tu fais bien. Mais vous tous aussi, auditeurs de Skyrock, restez à l'écoute. On va découvrir un classement de dingue. Maintenant, c'est le 8US comme tous les dimanches soirs. C'est parti, salut Steph. Salut. 14h à New York, 11h à Los Angeles. En France.